balade. Il faut que je me calme. Ah bah ils sont plus là. Tu entends les deux clics? Attends. Ça y est, j'ai enlevé les métros parce que j'avais un bordel avec tous les métronomes, les métros ouverts et puis voilà. Let's go. Merde, j'ai raté le train. Toi plus fort, s'il te plaît. tard, j'envoie à 8. En fait, tu fous. Tu ne souris pas. Hein. Attends, je vais enlever la drum, là, ça me souffle. Tu ne souris pas. Pourquoi j'ai le son d'église ? Gate on. Tutorial, tonneau de clap, putain, j'ai pas le reverb, j'ai pas le délai, j'ai pas le mode, j'ai pas le wah, j'ai pas la gate. Alors, gate, open, gate, close. Gate. Attends, sur ma voix, mic one. Ah bah oui, j'ai le délai, la reverb, ok. Ah, là, c'est mieux. Enfin non, je préfère finalement comme ça. Alors, mic, instrument et micro, ok. Ah ouais, delay, mode, stomp. Hello mic, comment tu vas? T'as peur, hein? Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu. Ok, j'ai tout enlevé. Ça y est. Juste un peu de reverb. Bon, alors Reaper, tu veux savoir pour Reaper? Putain, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors Reaper.